Deuxième partie. Je me trouvais bientôt installé au milieu de paniers vides, dans une voiture couverte d'une bâche, et quand le cheval s'arrêta de lui-même dans la cour de la ferme, il y avait longtemps qu'il faisait nuit. Le fermier sortit de la maison avec une lanterne qu'il balançait à bout de son bras et qui n'éclairait que ses sabots. Il s'approcha de nous et m'aida à descendre de la voiture. Puis il haussa sa lanterne jusqu'à ma figure, et il dit en se reculant « Quelle drôle de petite servante !» La fermière me conduisit dans une chambre où il y avait deux lits. On me montra le mien, et on me dit que le lendemain, je resterai seule avec le vacher, parce que tout le monde irait à la fête de la Saint-Jean. Dès que je fus levée, le lendemain, le vacher m'emmena dans les étables pour l'aider à donner le fourrage aux bêtes. Il me montra la bergerie et m'apprit que je serais bergère d'agneaux à la place de la vieille Bibiche. Il m'expliqua que chaque année on séparait les agneaux d'avec leur mère et qu'il fallait une deuxième bergère pour les garder. Il m'apprit aussi que la ferme s'appelait Villevieille et que personne n'était malheureux ici, parce que maître Sylvain et Pauline, sa femme, étaient de braves gens. Quand toutes les bêtes furent soignées, le vacher me fit asseoir près de lui dans l'allée des châtaigniers. De là, on voyait le tournant du chemin qui montait vers la route et tout l'intérieur de la ferme. Les bâtiments formaient un carré et l'énorme fumier qui était au milieu dégageait une odeur chaude qui dominait l'odeur des foins à moitié séchés. Un grand silence s'étendait autour de la ferme et de tous côtés on ne voyait que des sapins et des champs de blé. Il me semblait que je venais d'être transporté dans un pays perdu, et que je resterais toujours seul avec le vacher et les bêtes que j'entendais remuer dans les étables. Il faisait très chaud, j'étais comme engourdi par une lourde envie de dormir. Mais la peur de tout ce qui m'entourait m'empêchait de céder au sommeil. Des mouches de toutes les couleurs tournaient autour de moi en ronflant. Le vacher tressait une corbeille de joncs, et les chiens dormaient tranquillement. Au coucher du soleil, la voiture qui ramenait les fermiers parut au détour du chemin. Il y avait 5 personnes dans la voiture, 2 hommes et 3 femmes. En passant devant moi, la fermière me sourit et les autres se penchèrent pour me voir. Peu après, la ferme s'emplit de bruit et comme il était trop tard pour faire la soupe, tout le monde dîna d'un morceau de pain et d'un bol de lait. Dès le lendemain, la fermière me remit un manteau de grosse toile et je suivis la vieille Bibiche pour apprendre à garder les agneaux. La vieille Bibiche et sa chienne, Castille, avaient une si grande ressemblance que je pensais toujours qu'elles étaient de la même famille. Elles paraissaient du même âge et leurs yeux troubles étaient de la même couleur. Quand les agneaux s'écartaient du chemin, Bibiche disait « Jappe, Castille, jappe !» Elle répétait cela très vite, comme un seul mot, et même, quand Castille ne jappait pas, les agneaux se rangeaient tant la voix de la vieille ressemblait à celle de sa chienne. Lorsqu'on commença la moisson, il me sembla que j'assistais à une chose pleine de mystère. Des hommes s'approchaient du blé et le couchaient par terre, à grands coups réguliers, pendant que d'autres le relevaient en gerbes qui s'appuyaient les unes contre les autres. Les cris des moissonneurs semblaient parfois venir d'en haut, et je ne pouvais m'empêcher de lever la tête pour voir passer les chars de blé dans les airs. Le repas du soir réunissait tout le monde. Chacun se plaçait à sa guise le long de la table, et la fermière remplissait les assiettes jusqu'au bord. Les jeunes mordaient à pleines dents dans leur pain, tandis que les vieux coupaient précieusement chaque bouchée. Tous mangeaient en silence, et le pain bis paraissait plus blanc dans leurs mains noires. À la fin du repas, les plus âgés parlaient des récoltes avec le fermier, pendant que les jeunes causaient, riaient avec Martine, la grande bergère. C'était elle qui donnait le pain et versait le vin. Elle répondait en riant à toutes les plaisanteries, mais quand un garçon avançait la main vers elle, elle s'effaçait vivement et ne se laissait jamais saisir. Personne ne faisait attention à moi. Je m'asseyais sur des bûches un peu à l'écart et je regardais les visages. Maître Sylvain avait de grands yeux noirs qui s'arrêtait tranquillement sur chacun. Il parlait sans élever la voix et appuyant ses mains ouvertes sur la table. La fermière avait un visage sérieux et préoccupé. On eût dit qu'elle redoutait toujours un malheur, et c'est à peine si elle souriait quand les autres riaient aux éclats. La vieille Bibiche croyait toujours que je m'endormais. Elle venait me tirer par la manche pour m'emmener coucher. Son lit était à côté du mien. Elle chuchotait sa prière en se déshabillant, et elle soufflait la lampe sans s'occuper de moi. Aussitôt après la moisson, elle me laissa aller seule au champ avec sa chienne. Castille s'ennuyait avec moi. Elle me quittait à chaque instant pour retourner à la ferme près de sa vieille maîtresse. J'avais beaucoup de peine à rassembler mes agneaux qui couraient de tous côtés. Je me comparais à sœur Marie-Aimée quand elle disait que son petit troupeau était difficile à gouverner. Et cependant, elle nous rassemblait d'un coup de cloche où elle obtenait le silence en grossissant un peu la voix. Mais moi, j'avais beau grossir ma voix ou faire claquer mon fouet, les agneaux ne comprenaient pas et j'étais obligé de courir comme un chien autour du troupeau. Un soir, il se trouva qu'il m'en manquait deux. Chaque soir, je me mettais en travers de la porte pour n'en laisser entrer qu'un à la fois, ainsi je les comptais facilement. J'entrais dans la bergerie et j'essayais de les compter encore. Ce n'était pas facile et je dus y renoncer, car j'en trouvais toujours plus qu'il n'en fallait. Je me persuadais que j'avais mal compté la première fois et n'en dis rien à personne. Le lendemain, je les comptais en les faisant sortir de la bergerie. Il en manquait bien deux. J'étais inquiète. Toute la journée, je les cherchais dans les champs. Et le soir, après m'être assurée qu'il manquait toujours, j'en avertis la fermière. On fit des recherches pendant plusieurs jours, mais les agneaux restèrent introuvables. Alors les fermiers me prirent à part, l'un après l'autre. Ils voulaient me faire avouer que des hommes étaient venus prendre les agneaux, et ils m'assuraient que je ne serais pas grondée si je disais la vérité. J'avais beau affirmer que je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus, je voyais bien qu'on ne me croyait pas. Maintenant, j'avais peur dans les champs, depuis que je savais que des hommes pouvaient se cacher pour prendre les moutons. Je croyais toujours voir remuer quelqu'un derrière les buissons. J'appris très vite à les compter des yeux, et qu'ils furent dispersés ou rapprochés les uns des autres, en une minute je savais si le compte y était. L'automne arriva et je m'ennuyais davantage. Je regrettais les caresses de sœur Aimée. J'avais une si grande envie de la voir qu'il m'arrivait de fermer les yeux en imaginant qu'elle venait dans le sentier. J'entendais réellement ses pas et le bruissement de sa robe sur l'herbe. Lorsque je la sentais tout près de moi, j'ouvrais les yeux et tout aussitôt s'effaçait. Pendant longtemps, j'eus l'idée de lui écrire, mais je n'osais pas demander ce qu'il fallait pour cela. La fermière ne savait pas écrire et personne ne recevait de lettres à la ferme. Je m'enhardis jusqu'à demander à maître Sylvain s'il voulait bien m'emmener un jour à la ville. Il ne répondit pas tout de suite. Il fixa sur moi ses grands yeux tranquilles. Il dit qu'une bergère ne devait jamais quitter son troupeau. Il voulait bien me conduire de temps en temps à la messe du village, mais il ne fallait pas compter qu'il m'emmènerait à la ville. J'en restais tout étourdi. C'était comme si j'avais appris un grand malheur. Et chaque fois que j'y pensais, je voyais sœur Marie-Aimée comme une chose très précieuse que le fermier aurait brisée par mégarde. Le samedi d'après, je vis partir les fermiers dès le matin, comme d'habitude. Mais au lieu de rester jusqu'au soir, ils étaient de retour dans l'après-midi avec un marchand qui venait acheter une partie des agneaux. Je n'avais jamais pensé qu'on pût aller à la ville en si peu de temps. L'idée me vint de laisser un jour mes moutons dans le pré, pour courir embrasser sœur Marie-Aimée. Je trouvai bientôt que cela n'était pas possible, et je décidai de m'en aller pendant la nuit. J'espérais que je ne mettrais pas beaucoup plus de temps que le cheval du fermier, et qu'en partant au milieu de la nuit, je pourrais être de retour pour mener les agneaux au champ. Je me couchai tout habillé ce soir-là, et quand la grosse horloge sonna minuit, je sortis tout doucement avec mes souliers à la main. Je lassai mes souliers à tâtons en m'appuyant contre une charrue, et je m'éloignai très vite dans l'obscurité. Aussitôt que j'eus dépassé les bâtiments de la ferme, je m'aperçus que la nuit n'était pas très noire. Le vent soufflait furieusement, et de gros nuages roulaient sous la lune. La route était loin, et pour y arriver, il fallait passer sur un pont de bois à moitié démoli. les premières pluies avaient grossi la petite rivière, et l'eau passait par-dessus les planches. La peur me prit, parce que l'eau et le vent faisaient un bruit que je n'avais jamais entendu. Mais je ne voulais pas avoir peur, et je traversais vivement les planches glissantes. J'arrivai à la route plus vite que je ne pensais. Je tournai à gauche, comme je l'avais vu faire au fermier quand il allait au marché de la ville. Et voilà qu'un peu plus loin, la route se séparait en deux. Je ne savais plus laquelle prendre. Je m'engageais tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. Celle de gauche m'attirait davantage. Je la pris et je marchais très vite pour rattraper le temps perdu. Dans le lointain, j'apercevais une masse noire qui couvrait tout le pays. Cela semblait s'avancer lentement vers moi, et pendant un instant, j'eus envie de retourner sur mes pas. Un chien qui se mit à aboyer me rendit un peu de confiance, et presque aussitôt, je reconnus que la masse noire était une forêt que la route allait traverser. En y entrant, il me sembla que le vent était encore plus violent. Il soufflait par rafales, et les arbres, qui se heurtaient avec force, faisaient entendre des plaintes en se penchant très bas. J'entendais de longs sifflements, des craquements et des chutes de branches. Puis j'entendis marcher derrière moi, et je sentis qu'on me touchait à l'épaule. Je me retournai vivement, mais je ne vis personne. Pourtant, j'étais sûr que quelqu'un m'avait touché du doigt. Puis les pas continuaient, comme si une personne invisible tournait autour de moi. Alors je me mis à courir avec une telle vitesse que je ne sentais plus si mes pieds touchaient la terre. Les cailloux sautaient sous mes souliers et retombaient derrière moi avec un bruit de grêle. Je n'avais qu'une idée, courir jusqu'au bout de la forêt. J'arrivai bientôt à une grande clairière. La lune l'éclairait de tout son plein, et le vent, qui faisait rage, soulevait et rejetait les paquets de feuilles qui roulaient et tournaient dans tous les sens. Je voulais m'arrêter pour respirer un peu, mais les grands arbres se balançaient avec un bruit assourdissant. Leurs ombres, qui ressemblaient à des bêtes noires, s'allongeaient brusquement sur la route, puis elles s'éloignaient en glissant pour se cacher derrière les arbres. Quelques-unes de ces ombres avaient des formes que je reconnaissais, mais la plupart se balançaient et sautaient devant moi comme si elles voulaient m'empêcher de passer. Il y en avait de si effrayantes que je prenais mon élan pour sauter par-dessus, tant j'avais peur de les sentir sous mes pieds. Le vent s'apaisa, et la pluie se mit à tomber à larges gouttes. La clairière finissait, et en passant devant un chemin qui entrait sous bois, il me sembla voir un mur blanc tout autour. Je m'avançai un peu, et je reconnus que c'était une petite maison, étroite et haute. Sans plus réfléchir, je cognai à la porte. Je voulais demander que l'on me garde en attendant que la pluie ait cessé. Je cognai une seconde fois, et aussitôt j'entendis remuer dans la maison. Je croyais qu'on allait m'ouvrir la porte, mais ce fut la fenêtre du premier étage qui s'ouvrit. Un homme qui avait un bonnet de coton demanda « Qui est là ?» Je répondis « Une petite fille. » L'homme reprit d'une voix étonnée « Une petite fille ?» Puis il me demanda d'où je venais, où j'allais et ce que je voulais. Je n'avais pas prévu toutes ces questions, et je nommai la ferme que je venais de quitter. Mais je mentis en disant que j'allais retrouver ma mère qui était malade et le priai de vouloir bien me faire entrer dans sa maison pendant la pluie. Il me dit d'attendre et je l'entendis causer avec une autre personne. Puis il revint à la fenêtre pour me demander si j'étais seule. Il voulut aussi savoir mon âge, et quand je dis que j'avais 13 ans, il trouva que je n'étais pas peureuse d'avoir traversé le bois pendant la nuit. Il resta un moment penché, comme s'il espérait voir mon visage que je tenais levé vers lui. Puis il tourna la tête à droite et à gauche, en cherchant à voir dans la profondeur du bois. Et il me conseilla de marcher encore un peu, en m'assurant qu'il y avait un village au bout de la forêt, et que je trouverais des maisons où je pourrais me sécher.